Bonjour tout le monde, vendredi approche, mais on reste dans le son jusqu'au bout. Aujourd'hui, on voyage à l'international avec 3 hits alternatifs. Prépare-toi à monter le son, que tu sois chez toi, en voiture, ou où que tu sois en fait. Et nous sommes partis pour une vingtaine de minutes ensemble dans ce Morning Bisoy de ce jeudi 16 avril. Et on ouvre en furie avec les Foo Fighters et leur tube The Pretender. Pour bouger la tête, dès l'intro, prépare-toi, c'est tout de suite que je te passe ce morceau. You're the pretender.

Ce morceau phare de l'album Hybrid Theory sorti en 2001, le titre In The End, est le plus grand succès de Linkin Park, numéro 2 au Billboard Hot 100. Fait étonnant d'ailleurs, Chester Bennington, le chanteur, détestait au départ cette chanson et ne voulait pas la mettre sur l'album, ce qui aurait été une très grosse erreur, soyons francs, car s'il ne l'avait pas mis sur l'album, ce titre n'aurait pas la même célébrité, ne serait pas aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui. On passe maintenant aux bons plans locaux avec le Fun Radio Ibiza Experience. Hein, Ibiza, ça fait rêver. Et donc bonne nouvelle pour tous les amoureux de musique électro, puisque la soirée Fun Radio Ibiza Experience annonce déjà son retour à Paris. À vos agendas, rendez-vous à l'Accor Arena de Paris, dans le 12e arrondissement, le vendredi 17 avril, hein, c'est demain, pour danser sur les sons de quelques-uns des plus grands DJ de la planète. Et autre concert pour demain, Kim Gordon sera présente au Trianon, à Paris également, dans le 18e arrondissement précisément. Kim Gordon a été membre du groupe Sonic Youth, diffusé régulièrement sur l'antenne de Bisoy, et Kim Gordon est une véritable icône de la scène rock alternative, et elle viendra présenter son troisième album solo. Je t'en parlais au début de ce morning, on finit plus calme au niveau des musiques, plus calme mais intense avec les Kings of Leon et leur hit Sex on Fire, sexe en feu si tu veux traduire. C'est du rock US sensuel et planant, mets-toi bien, prends ton petit café avec toi ou prends ce que tu veux et profite, kiffe ce son. Extrait de l'album intitulé Only by the Night, sorti le 19 septembre 2008. Ce morceau, Sex on Fire, est l'un des hits rock majeurs des années 2000. Les Kings ont remporté leur premier Grammy pour la meilleure performance rock de groupe grâce à ce titre, justement, et selon Caleb Followill, le chanteur des Kings of Leon, le chant de la chanson exprime passion et désir brûlant, et qu'on parle anglais ou pas, je pense que ça se ressent. Et avant de se quitter, c'est l'heure de l'horoscope Bisoy. Et ce jeudi, ce sera une journée dynamique et on commence par les béliers. Va vite, mais pas dans tous les sens. Taureau, adapte-toi, ça peut te servir. Gémeaux, bouger plus parler égale combo gagnant. Cancer, garde ton énergie pour ce qui compte. Lion, aujourd'hui est le moment parfait pour briller. Vierge, simple égale efficace aujourd'hui. Eh oui, pourquoi vouloir toujours faire compliqué quand on peut faire simple? Balance, aujourd'hui tu retrouves ton équilibre, profites-en. Scorpion, ton instinct te donne un coup d'avance. Sagittaire, tu as besoin d'air. Bah écoute, Bisoy. Capricorne, tu avances sans faire de bruit, à pas de loup sur la moquette de chez toi. Verseau, idée folle, mais idée brillante. Poisson, ressens, puis agis. Ne prends pas de décision sur un coup de tête, ça ne pourra t'apporter que des ennuis. Et voilà, fin du set alternatif du jour sur Bisoy. Je te dis à demain pour le dernier jour avant de lancer le week-end en beauté. Mais petit spoil, ne t'en fais pas, même le week-end, tu auras droit à ton morning Bisoy. On en parle dès demain. Profite de ta journée. Je te souhaite un bon travail si tu vas au taf. Ou alors une bonne journée de cours. Ou une bonne journée tout court, justement. Et à demain. Salut tout le monde.